bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les prochaines heures. Et durant ces deux heures, nous aurons Anubis d'Australie, Starfish 64 d'Allemagne, Shadowlight d'Angleterre, Melodies Echo Chamber de France, Forest for the Trees des États-Unis, Maladai de Finlande, Richard Schoblum's Gunfly de Suède, Regal Worm d'Angleterre, Tangicanic, c'est un groupe multinational, et nous clôturerons l'émission avec Hyper Lightning Hydra. Alors, nous débutons avec l'album de la semaine. C'est consacré aujourd'hui à Anubis, un groupe australien. Un groupe qui vient de faire sortir il y a quelques semaines leur cinquième album studio. L'album s'intitule « Different Stories ». La particularité, c'est que ce ne sont pas des nouvelles pièces. C'est plutôt une relecture des pièces des quatre albums précédents, surtout « A Tower of Silence » qui est paru en 2011 et « Hitchhiking to Byzantium » 2014. Et l'album contient, comme je disais, des pièces qui ont été refaites musicalement au complet. Ils ont délaissé beaucoup le tempo et la guitare électrique, je dirais dense. Là. C'est plus aéré, c'est plus exotique comme instrument aussi. Et je vous propose trois pièces d'album. L'album en contient 8 et dure 60 minutes. Et ce qu'on va entendre, c'est « Dead Trees »,« Hitchhiking to Byzantium » et « The Holy Innocent », alors Anubis d'Australie. Is it too late to break away? This is the bed we made. We stand here in disarray, a screaming serenade. Night after night, never see the answers in your eyes. That's where I sold my soul again, time after time. Never see the answers in my life. That's where jealousy, you're hungry for my pain. I break you down relentlessly. Your passion has been drained. Night after night, thank you. down the road is something right. A place that fuels my need for warmth and light. Pretty I've had to understand that I cannot hide. I've had to torture myself and swallow my pride. I've only got myself to blame as I hitchhike. When I passed away, my soul did not escape. I believe the words I heard. Wanted life to change. I feel alone. There's no use in hiding. I feel my soul. You have been misguiding. I dream a dream that has no sound. As I lay still around, I am the holy innocent. His love speaks, it makes no sound. This one you put aside no longer wants to hide. I can't. I need to hear them all the same. I broke no hearts, yet I'm punished forever. I wait enraged. We need to be together. It's in a dream that has no sound. As I lay around, I am the holy in the sand. Ce que vous venez d'entendre, c'est la formation australienne Anubis avec The Holy Innocent. Ça, c'est tiré de Different Stories. C'est un album qui est paru il y a quelques semaines et on a entendu aussi du même album Hitchhiking to Byzantium et en début de bloc, encore une fois, un autre extrait, Dead Trees. Alors après la pause, Starfish 64 et Shadowlight. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous continuons avec Starfish 64, un groupe d'Allemagne qui sont quand même... ce ne sont pas des nouveaux dans le domaine, puisqu'ils ont déjà une douzaine d'albums à leur actif. Et le plus récent s'intitule « The Future in Reverse » et je vous propose la pièce « Determination ». Et on va conclure avec Shadowlight, qui est une formation d'Angleterre. Je pense, oui, ils ont deux albums à leur actif et le plus récent, bien, c'est Stars Above the City et je vous propose la pièce Unending. Alors, on débute ça avec Starfish 64. Thank you. that first moment when he works his people into knowledge and speaking personally, it's an extraordinary experience to participate in that true reconnaissance.

Alors, c'est le groupe britannique Shadowlight et la pièce Unending, partie 1, 2 et 3. Et c'est tiré de leur album Stars Above the City, ce qui constitue leur deuxième album. Ça, c'est paru en 2017. Et en début de bloc, nous avions Starfish 64 et les trois volets de la pièce Determination. Et ça, c'est tiré de The Future in Reverse. Après la pause, quatre groupes différents de France, des États-Unis, de Finlande et de Suède. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter le troisième bloc de l'émission, on va aller du côté de la France avec un nouveau groupe du nom de Melodies Echo Chamber. Ils ont un album qui s'intitule Bon Voyage. C'est un groupe un peu dans le R.I.O. avant prog. C'est pas souvent qu'on en fait jouer. Alors, j'espère que vous allez aimer ça, mais moi, de mon côté, je trouve que c'est très bien fait. Et c'est comme on dirait, là, une expérience différente. Ça va être suivi par Forest for the Trees. Ça, c'est un groupe américain qu'on a déjà fait jouer à l'émission. Ils ont eu une carrière assez brève. Et en fait, ils ont un album en 97 et l'autre en 99, un EP. Et c'est un extrait de l'album éponyme Forest for the Trees qu'on va entendre. Et après ça, on va entendre Maladai, qui est un groupe de Finlande qu'on a déjà fait jouer à l'émission. L'album, c'est Toinen Toista. Et la pièce, c'est Tiedon Keto Laulu. En tout cas, le libellé, si vous voulez le libellé exact des pièces qu'on passe à l'émission, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission parce que des fois, c'est en finlandais. Et surtout, le prochain groupe, là, Rickard Stroblom Gunfly, l'album, là, il est assez imprononçable. Je me risque quand même, mais l'album, c'est Atfor Barn Som Tror Pa Sagor Lassa Hock Tlar Kvalen Komer. Alors, je vous invite à consulter la page Facebook, mais c'est quand même un album qui est paru en mars de cette année et on va entendre la pièce Skogen. Alors, on débute ça avec Melodies Echo Chamber. Je sais tout chaud. I'm the first person, you're the second person. Earlier today I was in the third person. I'm the first person, you're the second person. Earlier today I was in the third person. I'm the first person, you're the second person. Earlier today I was in the third person. Stop cursing, start diversing. Edifices, bliss, the sunshine affect your mind. Expand your thoughts, stretch it out, don't doubt. My mind, my brain is caught, I'm just blessed. Trip hopping, so I flow like a stream. It's just a dream.

ditt huvud mot mitt bröst. Det sovande ansiktets inramning ger mig ingen tröst. Vi sjunker genom mossan i kärnen. Kylan tränger som en kniv. Men du sover så djupt i din värme. När skogen tar våra liv. Là, c'était Richard Schoblum's Gunfly. Richard Schoblum, qui était un ancien musicien de Beardfish et qui aujourd'hui œuvre aussi au sein de Big Big Train. Et la pièce qu'on a entendue, bien, c'est Skogun, extrait d'un album dont la prononciation m'est apparue assez laborieuse en début de bloc. Alors, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones pour le titre exact de cet album qui est paru en mars 2018. Et ça a été précédé de Maladai et la pièce Tielon Hientelolu, tirée de Toinen Toista, ça c'est de Finlande. Et auparavant, nous avions Forest for the Trees et la pièce Dream, tirée de l'album éponyme. Et en début de bloc, nous avions la formation française Melodies Echo Chamber et la pièce Desert Horse tirée de Bon Voyage. Alors, après la pause, Regal Worm, Tangicanic et Hyper Lightning Hydra. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, en ce début de quatrième bloc et dernier bloc de l'émission de cette semaine, nous avons Regal Worm. Regal Worm, qui est un groupe britannique dont on a fait jouer plusieurs extraits de l'album paru en 2013, Use and Ornament, et ils viennent de faire sortir Pig Views, et je vous propose deux extraits. Et ça va être suivi de Tangicanic. Tangicanic, qui est c'est un album live qui regroupe les membres de Tangent et aussi Karmacanic. Alors, la pièce qu'on va entendre, c'est Dr. Livingstone. Et en fin de bloc, nous aurons un groupe australien, Intergalactic Space Travel. En fait, ça, c'est le nom de l'album et le groupe, c'est Hyper Lightning Hydra. Plusieurs albums à leur actif. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Hyperluminal Navigation into the Active Galactic Nucleus. Alors, on débute ça avec Regal Worm. My teacher understands. She's quite a star, beautiful. Even on a rainy day, she's quite a star. Quite a star, pupil. Alors, ce qu'on venait d'entendre, c'est la formation australienne Hyper Lightning Hydra et la pièce Hyperluminal Navigation into the Active Galactic Nucleus, et c'est extrait de Intergalactic Space Travel. Et auparavant, nous avions Tangicanic, qui est un groupe de musiciens qui viennent d'un peu partout. Et la pièce, c'est Dr. Livingstone, tirée de Hotel Cataphrodite. Et en début de bloc, nous avions deux extraits de l'album Peak Views par Regal Worm d'Angleterre. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 195e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. En plus, l'émission est disponible sur Internet sur SoundCloud. Alors, pour y accéder, vous n'avez qu'à taper « Rock de neurones » dans la barre de recherche de SoundCloud et vous allez avoir l'émission courante de la semaine. Et pour les émissions archivées, bien, vous pouvez aller sur archive.org et encore une fois, taper « Rock de neurones » dans la barre de recherche ou si vous passez par la page Facebook de l'émission « Rock de neurones », vous avez l'hyperlien. Et en plus, sur cette page Facebook, vous allez retrouver aussi la playlist de l'émission de cette semaine et le lien, encore une fois, je vous le mentionnais, pour les 125 ou 126 émissions archivées. Alors, comme je disais, ceci met fin à la programmation et c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir pour une prochaine émission de Rock de Neurones.